Alors, Monique, ce dîner, il était bon? Ah, ma chérie, c'était vraiment très, très réussi. Mais enfin, il y a un petit ennui. Ah, lequel? Ben, nos maris ont trop bu. Oh, écoute, c'est pas tous les jours la fête d'Albert. Mais enfin, est-ce que tu as vu leur tête? On dirait deux abrutis. Écoute, allons au cinéma. Ah, je veux bien, parce qu'on peut pas passer la soirée avec eux, c'est pas possible. Raconte-moi la dernière. Dis donc, Léo. Hein? Si on buvait quelque chose de frais. J'ai une idée, hein. Tu sais, t'as une belle salle à manger, mais alors là où on est, on peut dire que t'as une belle cuisine, hein. Et puis il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Oh. T'as un bon réfrigérateur, hein. T'as vu? Oh, c'est chouette, dis donc. Oh, allez. Et puis. Puis c'est tout froid. C'est fait pour. Dis donc. T'aimes-tu le champagne, toi? Oh, j'aime autant le mousseux, moi. Mais je vais te faire du mousseux. Si tu le gigotes comme ça, ça va faire du lambasillac. C'est chouette, ton réfrigérateur. Oh. Hein? T'as vu, hein? Dedans, il y a l'électricité, hein? C'est pour qu'on voit dedans quand c'est ouvert. Qu'est-ce qu'ils arrivent pas à faire maintenant? Des réfrigérateurs avec l'électricité qu'il y a dedans. Oui, monsieur. C'est chouette. Et qui c'est qui l'allume? C'est automatique. C'est quand qu'on ouvre. Hop! Qu'est-ce qu'ils arrivent pas à faire maintenant? Quand on ouvre, ça s'allume. Oh, oui, monsieur. Et qui c'est qui l'éteint? C'est automatique, c'est quand on ferme, hop, éteint. Là, c'est éteint, là. Ouais, dedans, éteint. Dis donc. Qui c'est qui dit que c'est éteint? C'est écrit sur la notice. Ah. Il n'y a pas à discuter si c'est écrit. Dis donc, t'es mon pote, toi, de 15 ans. À la fin du mois, si c'est allumé dedans, qui c'est qui paye l'électricité? Toi ou celui qui a écrit la notice? C'est moi. Alors, il faudrait savoir si c'est éteint, là, tout de suite. On va regarder. Ah, ben comme ça, on le saura. Là, c'est allumé, hein. Et puisque c'est ouvert. Attends. Tu vas fermer doucement. Et moi, je vais regarder si c'est éteint. Parce que moi, j'ai mon beau-frère qui a un AVR comme ça. Alors lui, il risque pas d'avoir l'électricité. Parce que quand on ouvrait, il n'y avait pas de lumière. Puis quand on fermait, il n'y en avait pas non plus. Il n'y en avait jamais, alors? Non, il n'y en avait jamais. Ni dedans, ni dehors. Parce que lui, il avait une glacière, alors. Ah, ben, la sympa, on n'est pas ici pour rigoler, hein. Et si tu regardais un peu, là. Ferme doucement. Là, si elle allume... Fais gaffe à mon tarin, hein. C'est si j'étais à la guerre, alors. C'est allumé. Et là. C'est allumé. Et là. Ferme doucement. C'est allumé. Et là. Là, c'est éteint, là. Ah! C'est éteint, mais c'est fermé. Puisque ça s'éteint quand on ferme. Si on buvait quelque chose de frais. Tiens, il est plus chaud. Attends, faut régler cette affaire. Faudrait trouver un moyen pour savoir quand c'est fermé, s'il y a de la lumière dedans. Là, il faudrait faire un trou, là. Si, il faudrait qu'il y ait une petite lampe témoin, là. Une petite loupiote. Comme ça, là, dans l'angle, là. Comme ça, quand ça serait allumé, on saurait que ça s'est éteint. Et puis quand ça serait éteint, on saurait que c'est allumé. Hein? Attends, ouvre le reste. J'ai une idée. Tu vas aller te foutre dedans, tiens. Comme ça, tu me diras si c'est éteint. Oh! Bon, pourquoi que t'irais pas, toi, dedans? À qui est le réfrigérateur? À toi ou à moi? Yeah, t'as raison. Allez, fourre-toi là-dedans, là. T'as raison, je vais y aller. Tu vas te prendre pour Glenn. Tu me perds pas de vue, hein? Ouais. Je ferme et tu me diras si c'est éteint. Albert, c'est-tu éteint? Si tu es éteint, Albert? Ah, je vais ouvrir la porte. Comment que ça s'ouvre ton réfrigérateur? Ah ben c'est quelqu'un ça alors. Il est coincé ou quoi? Je vais faire là. Albert! Sortez! Pousse Albert! Pousse! Qu'est-ce que je vais faire? Excuse-moi, voilà. Mais je ne savais pas que c'était relâche. C'était rien. Tu sais que toi, t'es mon vieux pote, hein? Je t'ai connu il y a plus de 15 ans. Combien de fois je t'ai sauvé au régiment? Quand le général disait Albert, il est là, je répondais présent. J'imitais ta voix, ben c'est pas là que je vais te laisser tomber. Parce que toi, t'es mon pote, toi. Mon pote. De temps en temps, bien sûr. Oh. Il y a bien eu un froid. Parce que toi, tu. Mais dis donc, hein? T'es pas un peu fatigué? Qui, moi? Toi, oui. T'es revenu du cinéma? C'était relâche, on n'a pas pu y aller. C'était relâché alors? À qui tu parles comme ça? Eh bien, tu le vois bien. Je parle à Albert. Albert? Hein? Où il est, Albert? Il est dans le frigo. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait dans le frigo? T'as pas la tête, je suis là, Albert. Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans le frigo? Voyons, en fait, qu'est-ce que tu fous dans le frigo? Parce que plus je tire la poignée, moins ça s'ouvre. C'est la pédale. Ah, c'est en bas qu'il y a une pédale. C'est la pédale. Oh, les enfants! Oh, si vous sortez ce soir, vous avez intérêt.